sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Thank you.

92.2 FM ou canalsud.net, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il se trouve qu'il y a 4 personnes dans le bocal, donc je vais mettre le volume dans le bocal pour entendre les personnes parler de leur vie sexuelle, par exemple, ou autrement de drogue, ou de sexe et de rock'n'roll. Mais j'ai déjà dit sexe, alors on va plutôt parler drogue et rock'n'roll ce soir. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas, on comprend rien. On comprend rien. Il y a trop de boucan, on vous entend même pas. On vous entend même pas, vous inquiétez pas. Non, non, t'inquiète. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de saucisse ici. On n'entrave que dalle. On n'entrave que dalle. Vous pouvez parler de drogue, de sexe, de rock'n'roll, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Quoi. Diarrhée. Diarrhée pestilentielle, diarrhée, tout ça. Quoi. Tout. Dans le cadavre, une prostituée. Ouais, dans le cadavre, c'est ça. Dans le cadavre. Mes ex ne portaient pas de nuisette. Oh, Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. Ça, c'est le pire de l'histoire. Ça, il m'a raconté. Ça, c'est vraiment le pire. Il y a quelqu'un là-dedans. Ça, c'est le pire de l'histoire. Ça, il m'a raconté. Ça, c'est vraiment le pire. Il y a quelqu'un là-dedans. Là-dedans. vraiment y aller, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il faut vraiment se mettre là, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans. Là-dedans. Il faut vraiment y aller, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il faut vraiment se mettre là, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans. Là-dedans. Pétard. Ouais, il faut vraiment y aller, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Ça, il y a du carton, a du carton là-dedans. Là, il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans. Là-dedans. Dans tous les cas, je l'aurai son masque de pétard. La tête de masque. Joint de culasse. Joint de culasse. Il faut vraiment y aller, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a du carton, il y a du carton là-dedans. Là, il y a quelqu'un là-dedans. Là, pour m'entendre. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans. Là-dedans. Dans tous les cas, je l'aurai son masque pétard. La tête de masque. Joint de culasse. Joint de culasse. Vraiment y aller, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a du carton, a du carton là-dedans. Qui veut goûter mes hémorroïdes? Al, ta gueule. Pour m'entendre. Il y a quelqu'un là-dedans. Ouais, Il y a quelqu'un, là-dedans. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a personne, on est tout seul sur Terre. Le monde nous appartient. Ouais, super. Pétard. Joint de culasse. Pétarodé. Pétarodé. Pétarodé. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Il y a du carton. Du carton là dedans. De goûter mes yeux. Ta gueule. Bacchus et Psycops, mon gars. Direct. On entend. Il y a quelqu'un là dedans. Ouais, j'avais pas de quoi. Peut-être métal. Il y a quelqu'un là dedans. Il y a quelqu'un là dedans. Il y a personne, on est tout seul sur Terre. Le monde nous appartient. Ouais, le monde. Super, est à moi. Tout seul. Tout seul. Seul. Ok, mais tu crois du bon sens. Non, le seul est bon, donc. Je t'apprécie. Joint de culasse. Pétarodé. Pétarodé. Pétarodé. Non, mais ouais, je suis clair ou tu. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir. Il y a du carton, là trop grand. De goûter mes yeux. Al, ta gueule. Bacchus et Psycho, mon gars. Quand il s'était fait tabasser, il voulait faire un moment. Ouais, ouais, c'est bien. Il y a quelqu'un là dedans. Ah, mais ça c'est vraiment. Oh, il y a quelqu'un là dedans. Il y a personne, on est tout seul sur Terre. Le monde nous appartient. Ouais, sous-estimé les vrais jungles. Ouais, le monde, super, est à moi. Tout seul. Tout seul. Seul. Trop vente. Culasse. Pétarodé. Pétarodé. T'es en mode partie de ta vie comme ça. Jusqu'à quand tu meurs d'une overdose. Le lion est mort ce soir. Tu vois, faut que t'arrêtes. Là, direct, t'arrêtes de l'envoyer là-dedans. Non, mais t'as un cadavre sur le pont. Y'a personne, on est tout seul sur Terre. Le monde nous appartient. Sous-estimé les vrais. Ouais, super, c'est à moi. Tout seul. Tout seul. Seul. C'est ça, on a vu 50 ans. C'est un autre parti de ta vie, tu l'as tué. T'arrives chez des gens, tu as 70. Oh, mais deux coups de boule, qu'est-ce que tu rends devant? Sérieusement, du clochard, putain. Va acheter du sub au canal, sérieusement. Putain, ils sont casse-cou. Il n'y a pas de dépôt sur ta tête. Oui, mais bon, il n'y a pas de dépôt dans ta tête. Il y a trop de dépôts dans ta tête. Ouais, ouais, je vois. Tu vois, faut que t'arrêtes. Là, direct, t'arrêtes à l'autre. T'as un cadavre. C'est le plus beau de la vie. C'est le plus beau de la vie. Ah, il a un problème de tout ça. Enfin, des images. Ouais. Avec des images, c'est un peu ça. Un autre parti, tu vas déjà tuer. Non, il y a pas. C'est une sorte de. T'arrives chez Bande, un 60. Avec ça, la peinture, la peinture, ça devient du crack après. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pardon, Nuisance, c'est une émission bruitiste. À tendance bruiteuse. Nuisance s'encule soi-même. Putain de merde. C'est trop. Et en plastique, du truc. Nuisance nuit et parle de nuisance. Pardon. J'ai trompé de bouton. Nuisance, c'est une émission bruitiste. Tendance bruiteuse. Nuisance s'encule soi-même. Tirez, on a l'œil. En plus, c'est quasiment la même texture de l'œil. Vous avez un problème ou quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Pourquoi vous me regardez? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Nuisance nuit. Je parle de nuisance. Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Vous avez un problème? Je sens de me regarder. Mission. Bruitiste. Tendance bruiteuse. Nuisance s'encule soi-même. Vous avez un problème ou quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Pourquoi vous me regardez? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Nuisance nuit. Je parle de nuisance. Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Vous avez un problème? Je sens de me regarder. T'as fait ça? Toi, t'as fait comme ça? Toutes et tous. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas moi qui vous dirai quoi. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Fais chier. Vous avez un problème ou quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Pourquoi vous me regardez? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Nuisance nuit. Je parle de nuisance. Pourquoi vous me regardez tous? Toutes et tous. Vous avez un problème? Quoi? Pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi d'abord? Regardez. Pourquoi? Pourquoi ça d'abord? Hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? Ça d'abord? Pourquoi? Ah, Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. L'enfer, l'enfer sur terre, en direct pour vous ce soir, c'est la merde. Chose qui va mal se passer, je sens, c'est à présent, il n'y a plus à avoir de son, Il va plus y avoir de son et on va plus pouvoir se cacher dans 2 secondes. Ça y est, on peut plus se cacher maintenant, il faut faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. Nuisance. Tu peux plus dire chatte. Tu peux dire chatte autant que tu veux, tant que tu parles pas de la chatte de ma merde. Ok. Ça marche? Deux. Ça marche deux. Des belles musiques. Ce soir pour vous, Nuisance se met à la musique de merde. Il est 22h, on peut dire merde. Merci les enfants d'être couchés. Merde aux enfants, merde aux parents, merde à tout le monde. Merde à Nuisance et vive la merde. La merde est morte et ce soir, Nuisance s'en régale. Vive la grosse de mer dans laquelle nous sommes. Dire chat, Soch. Chat. Voilà, c'est dit. Bon, je vais vous couper un peu parce que franchement, votre participation est vraiment abréviative, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, abréviative? Polka. La polka des saisons et tout ça. Hein. C'est facile de parler de musique quand on sait pas de quoi on parle. Hein. Regardez, moi, je parle de musique, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu facile tout ça. Hein. Tu parles de nuisance. Je parle de merde, tout le temps. Ouais, c'est de ma merde que je parle. Ça, du caca, on peut en parler. Hein. Bah, vas-y, parle-en. Moi, j'aimerais parler de punk. Non, de punk. Alors, le de punk à chien. On a quand même punk. Pop up the volume. Alors, c'est Elliot le punk. Moi, c'est Charlie. Et si on parlait de merde? Si on parlait de merde? Attends, punk. Je sais pas, je m'en garde complètement le coquillard. Pom pom pom. Je m'en masturbe le fion. Ouais. Oh, Canal, on se prostitue. Allez, cours, cours. C'est pas Canal Plus. Hein. Bienvenue Canal en plus. Enfer. Vous allez écouter des mecs parler au téléphone pendant à peu près 2 Canal heures. Sup. Canal Sub. Canal Sub. Cabal Subutox. Tu es un Subutox, viens à Canal Sud. 40 Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. Tu peux redire chat, Soch. Tu as un autobus gratuit de téléphone. Bon, je vais vous couper un peu parce que franchement, votre participation est vraiment abréviative, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, abréviative? Polka. Abusé, je crois qu'on peut couper maintenant, non? Ça vous dit, on peut parler de musique quand on sait pas de quoi on parle. Hein. Regardez, moi je parle de musique, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu facile tout ça. Hein. Tu parles de nuisance. Je parle de merde, tout le temps. Ouais, c'est de ma merde que je parle. Ça, du caca, on peut en parler. Bah vas-y, parle-en. Moi j'aimerais parler de punk. Non, de punk. Alors, de punk à chien. On a quand même punk avec nous. Pop up the volume. Alors, c'est Elliot le punk. Moi c'est Charlie. Et si on parlait de merde? Si on parlait de merde? Attends, punk. Je sais pas, je m'en garde complètement le coquillard. Pom pom pom. Je m'en masturbe le fion. Oh, Canal, on se prostitue. Allez, cours, cours. C'est pas Canal Plus. Bienvenue en enfer. Vous allez écouter bien Canal Sud pendant à peu près 2 heures. Canal Sup. Plouf. Canal Sub. Cabal Subutox. Tu es un Subutox, viens à Canal Sud. 40 Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. Tu peux redire chat, ça. On en a plein. On a plein de Subutex ici. Bon, je vais vous couper un peu parce que franchement, votre participation est vraiment abréviative, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, abréviative? Polka. Je crois qu'on peut couper maintenant, non? Ça vous dit, on peut parler de musique quand on sait pas de quoi on parle. C'est un peu facile. Je parle de merde. Tout le temps. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM. ou canalsud.net. C'est Nuisance. Dogs vient à Canal Sud, 40 Alfred Duméril, 31 400 Toulouse. On en a plein, de Subutex ici. Téléphone le 05 61 53 36 95. Au fait, c'était une blague. Je crois qu'on peut couper maintenant, non ? Ça vous dit, on peut parler de musique, non ? On sait pas de quoi on parle. Puissance. Tout le temps de merde. Plein de merde. C'est génial, mais on va dire pas que. D'accord. Ouais. Tu pourrais te servir du stylo à bille. Ouais, du stylo à bille. Carnet de chèque. Carnet de chèque. Voilà, sodomie alors. Toujours de travers. Tu fais toujours que la même chose, isolation ou quoi ? Ouais. Fait fumer. C'était Canal Sud. Fumer du tabac, c'est légal. Canal Sud.net. Fais-moi fumer du légal. C'est nuisant. On demande de légal le goût. On en a plein. On a plein de Subutex ici. Téléphone le 05 61 53 36 95. Sont-ils fous ? Non, ils sont nuisances. Elles sont nuisances. Nous sommes nuisances. Vous êtes nuisances. Vous êtes les malvenus. Elcom. Canal Sud. Elcom. Ça c'était rigolo, Steven. Tout le temps de merde. Bah c'est ça pourtant. Putain de merde. Ça a l'air de grave, y'a rien. Ah, tu vas te entendre trois fois dire ah, c'était rigolo, Steven. Ça, je dis pas que. Ça va être rigolo. Tu pourras taille, j'y mettre que toi d'ailleurs. Ouais, du stylo à bille. Carnet de chèque. Voilà, sodomie alors. Toujours de travers. Tu fais toujours que la même chose, isolation ou quoi ? Ouais. T'es Canal Sud. Fumer du tabac, du tabac. Légal. Tu te prends net. C'est nuisant. On demande de légal le goût. Mettre que toi d'ailleurs. La merde. Et c'est la merde. C'est la merde que de perdre sa merde. Nuisance. S'occupe soi-même. Ouais, j'y mets que toi d'ailleurs. La merde. Et c'est la merde. C'est la merde que de perdre sa merde. de soi-même. Là, ils y mettent que toi d'ailleurs. Que de perdre sa merde. Puissance, sans plus de soi-même. Ils y mettent que toi d'ailleurs. La merde que de perdre sa merde. Putain, je me suis trompé, saloperie de merde. Bon, y'en a marre, on arrête la musique. Allez tous vous faire foutre. Sortez de ce corps dreux. Vous êtes de la merde. Et moi non plus, je vous aime plus, tu sais. Parce que vous êtes partis maintenant et je vous ai demandé de partir, je vous déteste. Je vous déteste, vous êtes obéissants, comme des chiens galeux et boiteux, comme je suis. Boiteux et galeux, moi aussi. Hein ? Hein que c'est vrai ce que je dis ? Et faites attention, je vais allumer les micros dans 3, 2, 1 seconde. Et voilà, parce que j'aime bien avoir le son d'ambiance d'une pièce vide. Une pièce vide avec personne dedans. Bah voilà, vous l'avez. C'est de la grande et belle musique pour vous ce soir. Nuisance. Nuisance sans cul soi-même. Parce qu'une émission de radio, c'est censé faire du son et de la voix et quelque chose. Et pas taper sur les tables parce que ça fait pourrir les micros à rouge et ça détruit tout. Mais par contre. Disant c'est censé faire de la merde et c'est ça pour ça qu'on est je suis là je veux dire merde merde merde c'est ça j'ai que ça à dire j'avoue. Santé, je veux dire. On se refait pas une santé, hein? tout le monde va me demander pourquoi tu as coupé le son. Pourquoi tu as coupé le son ? C'est une bonne question. Peut-être parce qu'il y avait trop de son dans le son, justement. Et donc, en parlant de son, je vais mettre un peu plus de son. De son, de rien. Voilà, et je vais demander aux gentes dames et aux gentes hommes de ne pas se présenter ce soir. Parce que c'est pas une radio dédicace ici, Canal Sud. On en a rien à foutre les uns des autres ici. On est capitaliste à mort. Et matérialiste aussi, je parle pour moi. Donc en parlant de matière, justement, on se disait qu'on allait faire un truc. Et un truc sans rien derrière nous, parce qu'on en a rien à foutre des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. Parce que moi je suis comme ça, moi. Moi, quitte à brûler le feu, je le brûle de l'intérieur. Du feu, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Si. Mince, tu m'as eu là. Là, il faut que je rattrape mon cou. Attends, je vais te mettre un peu plus de basse. Tu peux te rapprocher du micro si tu veux. Par contre, si tu touches le c'est moi. Non, mais si vous touchez le support de tout cet idéal masculino féminin quoi, et ben tout va se craquer dans l'inerte quoi, dans l'inerte interne électrico formée quoi. Ok. Voilà, c'est la seule solution. Il faut tout détruire pour recréer un monde différent. Donc on va commencer par détruire la merde, ou plutôt le schmlorg. Moi je prends schmlorg. Plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Qui dira m'avoir connu, avoir mis des mots sur ma bouche, je les écrase. Schmlorg, schmlorg, schmlorg. Schmlorg, schmlorg, schmlorg, schmlorg, schmlorg, schmlorg, schmlorg is dead. Dick Laurent is schmlorg. Schmlorg is dead. Eliana Rochiga. Eliana Rochiga. Avoir mis des mots sur ma bouche. Je les écrase. Eliana Rochiga. Schmlorg is dead. Eliana Rochiga. Eliana Rochiga. Qui dira Eliana Rochiga. Eliana Rochiga. avoir mis des mots sur ma bouche. Je les écrase. Shiga. Eliana Roshiga. Eliana Roshiga. Et pan, il l'a recraché. Un mot, maintenant, à jamais, toujours. Un mot. Un mot, maintenant, à jamais, toujours. Un mot, un mot. Un mot, maintenant, à jamais. Toujours. Un mot. Je rêvais beaucoup. Serait-il possible d'appeler les pompiers? La maison, elle brûle. L'orgue. Un mot, maintenant, à jamais, toujours. Un mot. Un mot, maintenant, à jamais, toujours. Un mot. Un mot. Un mot. Maintenant, à jamais. Toujours. Un mot. Je m'y perds. Serait-il possible d'appeler les pompiers? La maison, elle brûle. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est dans une radio publique à but non lucratif. Alors, si on veut faire du blé, c'est pas ici qu'on va barrer. Ça c'était bête, c'est infernal. T'as du feu? Ça s'arrête un peu. T'as du feu? Ouais, maintenant, à jamais, toujours. Un mot. Un mot, maintenant, à jamais, toujours. Un mot, un mot. Un mot, maintenant, à jamais. Toujours, toujours. Je me largue. Je m'y perds. Message magie cardiaque pour les clones clowns, toujours, le message ballon toujours. Qui pète des gicles en flac. Je me largue. Je m'y perds. Bétadine. Maintenant, à jamais, toujours. Un mot. alchimique, message, magie cardiaque pour les clones, clowns, le message balou qui pète des gicles en flac. Je me l'orgue. Bétadine. Si t'as le temps, fais vite. Entre deux courses, t'as le temps, tout bib. Jette un œil sur nos ruelles livides, nos vices vides sous les vitrines dans ces villes mythiques où la monnaie fascine. Est-ce que quelqu'un nous écoute? Est-ce que quelqu'un nous écoute ici bas? Bien bas. Mais y a quelqu'un? Non. Y a quelqu'un là-dedans? Y a de la vie. Y a quelqu'un là-dedans? Y a de la vie. Si. Y a quelqu'un? Là-dedans. Maintenant. Dans la bouche, la clé du mal, gamme alchimique, message, magie cardiaque pour les clones, clowns, message balou qui pète des gicles en flac. Je me l'orgue. En flac? Comme les fichiers, format de fichier, quoi. Tu me réponds? Tu vas me répondre, s'il te plaît? Écoute, tu m'as parlé, tu as le droit de me répondre, maintenant. Non. Jamais? Si t'as le temps, fais vite. Ah, toujours. Entre deux courses, t'as le temps, tout bibe. Jette un œil sur nos ruelles livides, nos vices vides sous les vitrines dans ces villes mythiques où la monnaie fascine. Est-ce que quelqu'un nous écoute? La monnaie facile, oui, je t'écoute. Est-ce que quelqu'un... Il n'y a pas de verre dans ta phrase, là. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Bien bas. C'est quoi le verbe? Le verbe transcendant, tu sais? Tu vas souvenir? Quelqu'un là-dedans? Y a de la vie. Si. Quelqu'un là-dedans? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Là-dedans? Dans la bouche, la clé du mal, gamme alchimique, message, magie cardiaque pour les clowns, clowns, le message balou. Des gicles en flac. Je me l'orgue. Si quelqu'un a perdu ses feuilles, ce sont des ECB marron. Flac. 40 frais du méril, OCB marron, 40 frais du méril. Tu vas me répondre, s'il te plaît? Écoute, tu m'as parlé, tu as le droit de me répondre. Ferme ta gueule. Non. Enculé. Jamais? Si t'as le temps, ouais, toujours. Entre deux courses, t'as le temps, tout bib. Jette un œil sur nos ruelles livides, nos vices vides sous les vitrines dans ces villes mythiques où la monnaie fascine. La monnaie facile, oui, je t'écoute. Quelqu'un... Il n'y a pas de verbe dans ta phrase, là. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Bien bas. Ça risque d'être long. Y a quelqu'un? C'est quoi le verbe? Le verbe transcendant, tu sais? Tu vas souvenir? Quelqu'un là-dedans? Y a de la vie. On attend la fin. Là-dedans. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Là-dedans. Merderai. J'ai merderai. Plein de fois. Plein de fois merderai. Je me l'orgue. Si quelqu'un a perdu ses feuilles, ce sont des ECB marron. Flac. 40 frais du méril, OCB marron, 40 frais du méril. Tu veux me répondre, s'il te plaît? Écoute, tu m'as parlé, tu as le droit de me répondre. Ferme ta gueule. Enculé. Ta grande gueule, bâtard. Ouais, toujours. Halte, t'es qu'une merde. Tu vas la fermer, ta grande gueule. Tu voudrais que je t'insulte? Non, merci, je m'en occupe très bien moi-même. Vas-y, insulte-toi toi-même. Toi. Comme disait Jésus, insultez-vous vous-même. Les uns les autres, je veux dire. Les uns les autres. Je suis sûr que tu voudrais que je t'insulte. Mais non. Non, je veux pas. Je m'en occupe très bien. J'ai un sextoy à la maison, merci. Tout va très bien. Dans cette maudite merde. Mais vas-y, insulte-toi, toi. Mais si tu veux m'insulter, je m'en fous, quoi. Tu veux que je m'insulte? C'est fait. Un petit coup. quoi l'inspecteur spectral? C'est une présence passive, évanescente, éthérée, autant. Ah, celle-là, de présence. Quelqu'un là-dedans. Merde. Morgue. Allume la mèche et immole-toi de fumée. Irascible chercheur invertébré, rampant sous la mousse. La brume au matin du midi démystifie le trouble de cette quête en sous-sol. Sans les mains, l'esprit se vautre en de vaseuses querelles. La réverbération du geste comme ultimatum. Prendre un bout de corde, lui démêler les mailles pour les retisser à lame, épissure du centre pour fabriquer la boucle. Sous tension. La gaine du cordage enserre fortement l'âme, ce qui empêche l'épissure de glisser hors tension. Quand l'épissure bat, elle peut glisser. Il faut la fabriquer en tenant compte de cette éventualité. On aura beau se feinter de mascarade, ce qui prend au triple matin à l'heure qu'on veut, lendemain, d'oubli ou pas, reste irrémédiable. Une grande joie. creux. Regard, fragments des rues, paysages, trame des routes, nos yeux vagabonds dans l'errance train-train s'égarent. Le printemps renouvelle les découvertes des odeurs, des formes, couleurs ou courbes musicales. Aïe, dans ce frôlant gonfle, le désir tressaille. Inspecteur spectral dans nos têtes détecte le nectar. Le temps de la vie, ami, est une dilatation de l'être qui finit par la décrépitude et la mort. Cette certitude va nous apporter une grande joie. C'est à ce moment-là précis que l'on se trompe. Non à la mort. Regard, fragments des rues, paysages, trame des routes, nos yeux vagabonds dans l'errance train-train s'égarent. Le printemps renouvelle les découvertes, des odeurs, des formes, couleurs ou courbes musicales. Aïe, dans ce frôlant gonfle, le désir tressaille. Inspecteur spectral dans nos têtes, détecte le nectar. Le temps de la vie, ami, est une dilatation de l'être qui tombe par la découverte de la mort. Cette certitude doit nous apporter une grande joie. Une grande joie. Cette certitude doit nous apporter une grande joie. La certitude de la décrépitude et de la mort. Greu, greu. La morgue de l'être. La morgue de l'être. C'est à ce moment-là précis que l'on se trompe. De l'être. Deux lattes. Tu me laisses tirer deux lattes sur ta clope. La décrépitude et la mort. Greu. La décrépitude. Merci. C'est une clope ? C'est nul. J'en ai déjà une. Regarde, si on veut le paysage, trame des routes, si on veut pas d'abord dans les restreintes, dans ces gares, on attend de nouvelles les découvertes, les odeurs, les formes, les couleurs, les musicales. Aïe, on se trouve dans le monde, les autres, les sages. La décrépitude et la mort, crin. Cette certitude doit nous apporter une grande joie, doit nous apporter une grande joie, une grande joie. La décrépitude et la mort, crin. Une grande joie. Cette une grande joie doit nous apporter une grande joie. Grande joie. Une grande joie. La certitude de la décrépitude et de la mort. Greu, greu. Morgre de l'être. Morgre de l'être. C'est que l'on se trompe. De l'être. Deux lattes. Tu me laisses tirer deux lattes sur ta clope. La décrépitude et la mort. Greu. Merci. Cette certitude de nous apporter une grande joie. C'est une clope ? C'est nul. J'en ai déjà une. Une grande joie. Schmlorg. La décrépitude et la mort. Cette certitude doit nous apporter une grande joie. Doit nous apporter une grande joie. Joie. Une grande, joie. Une grande joie. La décrépitude et la mort. Cre. Et la mort. Cre. Cre. Une grande joie. Cette certitude doit nous apporter une grande joie. La décrépitude et la mort. Une grande joie. Cre. La décrépitude et la mort. Cre. Cre. Une grande joie. La joie de la machinette. La machine a de la joie. Tu me laisses tirer deux lattes sur ta clope. Non. La décrépitude et la mort. Grande joie. La décrépitude. Schmlorg. Cette certitude de nous apporter une grande joie. C'est nul. C'est nul. Caca. Une grande joie. Coca. Coco. Cucu. Schmlorg. Cuca. Cuco. Cuki, Cui, Kiku, la mort, Kiki, QQ. Certainement pas moi. De certitude de nous apporter une grande joie. Avec l'habitude de la mort. Une grande joie. Qui a eu cul? Certainement pas moi. La joie de la machinette. La joie de la machine. Machine a de la joie. La machine a de la joie. Non. Non. Kabaka, oui. Kabaka, non. De joie. Grande joie. Faut que je sorte de mon délire. Ah non, c'est pas maintenant. Sinon c'est foutu. Moi j'abandonne tout de suite. D'ailleurs ça a tout cassé là. J'ai été obligé de bouger là-bas et de tout éteindre. Parce que Nuisance, c'est sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Sur Canal Sud 92.2 ou Canal Sud.2 FM 05 61 53 36 95. 40 rue Alfred Duméril. 40 rue Alfred Duméril. 40 rue Alfred Duméril. Duméril. Duméril. Canal Sud. Canal Sud. Nutskud. Skeda. Seda. Canal Sud. Canal Sud. Sud mon canal. Sud ma canal. Sud des Bacchanals. Les Bacchanals sont au sud. Mais où est son son, les Bacchanals sont du sud? Certainement pas moi. La joie de la machine. La joie de la machine. La machine a de la joie. La machine a de la joie. Non. Non. Kabaka, oui. Kabaka, non. Grande joie. Grande joie. Une grande joie. Ah non, c'est pas maintenant. Sinon c'est foutu. Sinon c'est j'abandonne tout de suite. D'ailleurs ça a tout cassé là. Ça a tout cassé. Il faut tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air pour pouvoir redécorer après avec des bouts de pain, des bouts de rose. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Mais mort. Sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance. Sur Canal Sud. Émission de Nuisance. Émission de Canal Sud. Canal Sud 92 FM 05 61 53 36 95. 40 rue Alfred Duméril. Qui eut cul? 40 rue Alfred Duméril. QIQ. 40 rue Alfred Duméril. QIQ. Duméril. Duméril. Canal. Kikiki. Canal Sud. Nutskud. Skeda. Seda. Canal Sud. Canal Sud. Sud mon canal. Sud ma canal. Sud les Bacchanals. Les Bacchanals sont au sud. Les Bacchanals sont au sud. Mais où est son son, les Bacchanals sont du sud. C'est con, moi. Du con. La joie de la machine. La joie de la machine. La machine de la joie. La machine de la joie. Non. Non. Kabaka. Oui. Oui. Kabaka. Tabata. Non. Kabaka. Grande joie. Grande joie. Une grande joie. Décrépitude et la mort. Sinon c'est foutu. Sinon c'est foutu. Tout de suite. D'ailleurs, ça a tout cassé là. Ça a tout cassé. Il faut tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air pour pouvoir redécorer. Redécorer après avec des bouts de pain. Des bouts de pain de rose qui viennent d'un cimetière. Les morts. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud. Nuisance. Nuisance. L'émission de Nuisance. L'émission de toutes les nuisances. De toutes les nuisances. 05 dans mon cul. Q. 40 rue Alfred Duméril. Qui eut cul? 40 rue Alfred Duméril. QIQ. 40 rue Alfred Duméril. QIQ. Canal Sud. Kiki. 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Un site www.canalsud.net. Sud des Bacchanals. Les Bacchanals sont au sud. Les Bacchanals sont au sud. Au sud des Bacchanals sont canal. Les Bacchanals sont sud. Canal sud. Cons. Nuisance. La joie de la machine. Oui. Décrépitude et la mort. Non. Kabaka. Grande joie. Grande joie. Une grande joie. Décrépitude et la mort. Gre. Non, c'est jamais tout de suite. D'ailleurs, ça a tout cassé là. Ça a tout cassé. Non. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Redécorer après avec des bouts de pain, des bouts de pain de rose qui viennent d'un cimetière. Faites pas attention au sifflement strident d'un nez empaillé. Ni d'un renaclement furibond, furichon, inopportun, ou opportun, qui sait. Multiplions les reniflements raclants par 10. Que tout le monde soit reniflant. Téléphone 05 61 53 36. Empaillodé que nous sommes. Un site 3W. Empaillodé. Des Bacchanals. Au sud des Bacchanals sont le sud. Le sud des Bacchanals. Canal. Des Bacchanals sont sud. Canal. Sud. Canal sud. Ponce. Nuisance. joie de la machine. Oui. Décrépitude de la mort. Non. Kabaka. Grande joie. Grande joie. Décrépitude de la mort. Oh pardon, j'ai... Ce soir sur Nuisance, la grande et belle musique pour vous encore une fois. Comme tous les vendredis de 21h à 23h, la grande musique est célébrée sous toutes ses formes, nuisante ou pas. Vive la merde. La grande et belle musique. Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net. Nuisance. Thank you. Canal Sud, tous les participants et participantes de cette émission, à cette émission je veux dire, ou une 2A peut-être, à 2, cette émission, et je remercie tout d'abord l'émission Nuisance de m'avoir accueilli en son sein, mort et nécrophage, attendez, je me rétablis d'une amoncellement inadéquat. Oh merde. Bon, on laisse tomber, maintenant c'est la grande et belle musique sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net.